Chapitre 9e. La Roumanie à ma porte. Mokhtar est assis au soleil, le dos appuyé au tronc d'un pin dans le jardin des Barthes. Pampan, le setter irlandais de Fred, décrit des cercles autour de lui et vient de temps à autre bézouiller la joue de Mokhtar en frétillant de la queue. Ils doivent se parler, mais personne ne serait capable de comprendre ce qu'ils se disent. « Oh, Mokhtar, c'est comme ça que tu bosses ?» fais-je en riant. Pour toute réponse, j'ai droit à un sourire apaisé. Pampan vient renifler mes grôles, puis me gratifie d'une papade posée sur mon pantalon. « Il est là, le patron ?»« Ouais, il se prépare pour la chasse. »« Tu vas avec lui ?»« Oh, ça risque pas. » »« J'ai horreur qu'on tue des bêtes et je n'aime pas les armes à feu. »« Je vais lui emprunter son taille-haie. Il est plus long que le mien. » »« Allez-y, monsieur Fred est dans le garage. » Fred y est, effectivement, au milieu d'un ouaï étalé par terre dans lequel il farfouille fébrilement. Il ne se donne même pas la peine de se baisser, mais pousse les objets du bout du pied pour faire son tri. « Ah, j'avais des cartouches de 16, mais va savoir où je les ai foutues. Ce n'est pas étonnant que tu ne saches pas avec le souk qu'il y a dans ton garage. Oh, ne me casse pas les bonbons, hein. Moi, je m'y retrouve dans mon bordel, et c'est l'essentiel. Au fait, tu dois avoir besoin de quelque chose puisque tu viens me voir. Bien vu. Il me faut ton taille-haie, tu sais, le long. Tiens, prends-le, il est sous l'établi. Mais dis-moi, commissaire, quand tu vas te décider à en acheter un ? Oh, Gary, si tes haies n'étaient pas aussi épaisses, je n'aurais pas besoin de me démantibuler les bras. Tu comprends, Manine ? Alors je considère que c'est normal que tu contribues un peu en me prêtant l'outil. Pourquoi tu ne demandes pas cette feignasse de Mokhtar de le faire ? Ce n'est pas que je sois raspi, mais tant que je peux, je préfère le faire moi-même. Quand je serai plus décati, on verra. En repartant, j'aperçois Mokhtar en grande conversation avec Louisa, qui tape du pied en disant assez fort « Non, non, non et non. Je te dis que je ne le ferai jamais, jamais. T'as compris ? Ne me gonfle plus avec ça. » Qu'est-ce qu'elle ne fera jamais ? Une position du Kama Sutra ? Une cochonnerie ? Un bol ? Un prêt d'argent ? Un nouveau boulot ? En tout cas, elle a l'air furax, la Louisa. Je fais celui qui n'a rien vu, rien entendu, et je retourne dans mon jardin. Aux alentours de midi, j'entends carillonner au portail. Je jette un cil de derrière un buisson et j'aperçois le Roumain, ou le Kosovar, ou le Tchétchène, enfin, va savoir, flanqué de sa nénette qu'il tient par le haut du bras. Cette fois, c'en est trop. Il me monte un foutre de première qui va presque m'étouffer. Je saisis une pelle qui gisait à mes pieds et me précipite vers le portail. « Qu'est-ce que tu viens encore me gonfler, toi ? Je te préviens que je vais t'arracher la tête, » dis-je en brandissant ma pelle, ce qui n'a pas l'air de l'impressionner beaucoup. « Tu la connais ? » fait-il en désignant sa poule du menton et en l'en tirant vers moi. « Oui, je la connais, je l'ai déjà vue. Et alors, ça te dérange ?» La fille est vêtue d'une blouse noirâtre, bientôt grande pour elle, et d'une jupe serpillère qui lui tombe sur les chevilles. Tout dénote une recherche savante pour donner la parfaite image de la misère. Pourtant, j'ai bien vu que dans le camp, elle n'était pas habillée de cette façon. Comme les autres fois où je l'ai rencontrée en bordure de route, sa chevelure ressemble à un gros mouton de poussière dépassant d'un foulard ourdage noué au cou. « Tu lui donnes argent » profère-t-il en tendant le poing. Il est vrai que la veille encore, j'avais rencontré la fille au carrefour et que je lui avais refilé 20 € pour ses gosses. « Ouais, je lui donnais du pognon. Et pourquoi tu lui fais faire la manche, si c'est pas pour qu'elle ramasse du fric ?» Ramasse du fric, d'accord. Mais si jamais tu touches, tous les deux, je tue. Tu crois que je vais toucher ce sac à poux ? Tant pis pour la fille. Et si c'était moi qui te filais d'abord un bon coup sur la tronche pour t'apprendre à vivre, raclure ? Et je lève ma pelle, réellement décidé à frapper. Aussi sec qu'il sort un surin de la poche de son blouson. Ça va chauffer. J'ai encore de bons réflexes. Et avec un couteau, il manque d'allonge face au manche de ma pelle. Mais soudain, la fille se dégage et s'interpose. Elle se met alors à vociférer un long laïus, en me montrant plusieurs fois. Je crois comprendre qu'elle doit lui expliquer que je ne l'ai jamais touchée et que je suis simplement un pauvre con qui n'aime pas voir la misère des autres. Finalement, il range son couteau et vient me parler sous le nez, sans crainte. « Chez nous, femme, à nous » dit-il en se frappant la poitrine. « Tu comprends, toi ? Alors attention avec elle, sinon... » Et il se passe le doigt sur le cou, signe que je comprends parfaitement. Il ajoute « Si je veux tuer toi, quand je veux, comme je veux !» Tout en disant, il me martèle la poitrine de son index. Je saisis son bras et le lui serre à faire éclater les veines. ne me touche pas. Et ne remets plus les pieds par ici, si tu veux rester vivant, petit maquereau. Et ta pétasse, si tu veux la garder, tu n'as qu'à lui faire faire le trottoir, connard. Allez, casse-toi, fais-je en lui mettant un coup de pelle dans le bide. Sur ces entrefaites, comme tombée du ciel, une mandale de première claque sur la face du métèque manquant le déséquilibrer. C'est Fred, son fusil en main gauche, qui sans bruit s'est mêlé à l'altercation, sans haine, calmement. Pendant que le carac nous insulte dans son dialecte haché, je le maintiens à distance avec ma pelle. Il finit par déguerpir, remorquant sa femelle. « T'es bien un Marseillais, Volpi. Tu parles, tu parles. Chez nous, dans le sud-ouest, on frappe d'abord, on cause après. » Bien sûr, avec un fusil dans la main. « Il n'est pas chargé, couillon. »« Allez, viens, » dis-je. « Pour ta peine, t'as mérité l'apéro. » Dans la cuisine, il pose son fusil sur la table et s'assied à califourchon. « Qu'est-ce que tu prends ? Ça contient ? Casa ? Non, donne-moi une anisette. Rien que pour te faire bisquer. » « Oh, mais j'en ai. Tiens, une cristal. » Suis un moment de silence, car on ne voit bien que dans le calme. Puis, ma curiosité reprend le dessus. « Fred, il faut que je te demande quelque chose, au sujet de Maïtena. Vas-y. À part les premiers jours où tu pleurais beaucoup, tu as l'air maintenant d'avoir accepté sa disparition. » Avant de me répondre, il fait tourner le reste de glaçon au fond de son verre, comme pour préparer ce qu'il va me dire. « Tu sais... ça fait bien longtemps qu'il n'y avait plus rien entre Maïtena et moi. Je veux dire qu'elle avait autant de libido qu'un frigo. Ça lui est arrivé après la ménopause. Au début, c'est dur d'accepter ça, mais après, on s'y fait. C'est comme si on sautait directement dans le quatrième âge. Il reste la complicité, la tendresse, la confiance, et voilà. Mais tu sais, Maïtena, c'était une femme infaillible, tu m'entends ? Je l'aurais suivie les yeux fermés, au bord d'un précipice. Elle me manque. Mais pas comme tu pourrais le penser, toi qui... encore avec Gilda, enfin, tu me comprends. Oui, je comprends. Et pourquoi vous êtes toujours à coups de tirer avec Louisa ? Mais moi, je n'ai rien à lui reprocher. Seulement, elle a vite compris qu'elle me plaisait bien. J'aime ce genre de fille grande et volontaire. Je crois qu'elle s'imagine qu'un de ces quatre, je vais lui sauter dessus. Alors elle est toujours sur ses gardes. Mais c'est idiot, parce que j'ai beaucoup d'affection pour elle. J'aurais aimé avoir une fille comme ça. T'as qu'à la coucher sur son testament, à défaut du lit. Ouais. En tout cas, si ça avait été le cas, elle aurait eu un bon mobile, la pauvre. Tu restes persuadé qu'elle n'est pour rien dans l'assassinat de ta femme ? Absolument. Il y a une autre question qui me taraude, et comme Fred est d'habitude peu prolixe, il faut que je profite de ce qu'il est en verve. Si tu ne t'étais pas muré devant ta télé lors de la reconstitution, tu aurais compris que l'assassin en avait peut-être après toi, et non après Maïtena. Mais ça, je l'ai tout de suite compris, figure-toi. Et qu'est-ce que ça change ? Bah, s'il t'a raté une première fois, il peut recommencer. C'est possible, il recommencera. Et cette fois-ci, il ne me loupera peut-être pas. Eh ben, au revoir, monsieur dame. J'irai rejoindre Maïtena. Ça ne t'inquiète pas plus que ça, fais-je très étonné. Mais pourquoi veux-tu que ça m'inquiète ? Mourir assassiné, c'est une bonne mort. C'est toi qui me l'as dit. Si c'est bien fait, tu ne souffres pas. Et en somme, tu me rends bonne santé, non ? Il faut bien partir un jour, alors aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Si tu ne sais pas quand tu dois partir, ça change quoi par rapport à une mort normale ? Sa logique m'escagace. Et pourtant, en un sens, il n'a pas tort, mais tout de même. Si tu raisonnes comme ça, c'est que tu sais pertinemment pourquoi on veut t'assassiner, dis-je, péremptoire. « Mais non, je ne sais pas !» s'emporte-t-il. « N'importe lequel d'entre nous a toujours une raison, à un moment ou un autre, d'être assassiné. Tiens !» Regarde-toi, par exemple. C'est sûr que le carac va essayer de te faire la peau. Qu'est-ce que t'as fricoté avec l'épouvantail qui lui sert de gonzesse ? Mais rien. Je lui ai filé 20 euros. L'autre jour, parce qu'elle a 4 gosses, et que ce connard ne doit rien lui donner pour les nourrir. Eh ben, 20 euros, il de pute, t'es riche, toi. Moi, quand je donne, je regarde pas. Moi non plus. Mais c'est surtout pour les coups de pied au cul. Sur ces bonnes paroles, Fred prend congé, non sans avoir éclusé 2 autres anisettes. Tout en me préparant 3 bricoles à manger, je réfléchis sur l'étrange personnage qu'est Fred. Est-il sincère quand il affirme ne pas craindre un assassinat ? Est-ce de la totale inconscience ? Ou a-t-il voulu m'enfumer complètement ? Il est impensable qu'il ne sache pas pourquoi on peut vouloir sa mort. Bart est un mec bourru, secret, peut-être pas si clair que ça. Je finirai bien par le percer à jour, avant qu'il ne meure. Le surlendemain, vers 10 heures du matin, j'entends dans l'allée le feulement caractéristique d'un gros cube. Serge ne tarde pas à paraître sur le seuil, tout de cuir vêtu. Pas encore parti au boulot, Gilda, qui ne l'avait pas encore vu dans cet appareil, ne le reconnaît pas et s'affole un peu. On voit tellement d'agressions bizarres. Rassurée, elle sort sur le perron pour admirer la moto. « Eh ben, elle est belle, hein ?»« Fais gaffe, Serge, sois prudent. Il y a tellement de cons sur la route. » Je fais entrer mon pote et lui désigne le canapé. « Oh, qu'est-ce qui t'amène, Sergio ?»« Le boulot, comme d'hab. » J'angoisse déjà à l'idée qu'il puisse encore s'agir du meurtre des Serbes. Je m'assois du bout des fesses, un peu stressé. « Et alors ?»« Regarde ça. » Il sort de son blouson une photo format 15-21 et me la met sous le nez. La photo représente le corps d'une femme exsangue, allongée dans un fossé, la jupe relevée et la culotte baissée. Un trait fin et noirâtre lui barre le cou. Dans ce visage verdâtre, je reconnais la femme du carrefour, la compagne du métèque. J'ai beau ne la connaître que superficiellement, ça fait tout de même un choc, surtout quand je pense à ces quatre gosses. Serge aperçut mon blêmissement et me regarde par en dessous. « Ça te dit quelque chose ? » fait-il d'un ton insidieux. « De quoi s'agit-il d'abord ? » je demande, circonspect. « Mais tu le vois bien, c'est une femme assassinée, qu'on a retrouvée sur la plage des Laurons hier après-midi. Tu es sûr de la connaître ? » ?»« Oui. » »« Eh ben, on peut dire qu'on a du bol, parce que tu es vraiment la seule personne à pouvoir l'identifier. » J'ai dit que je la connaissais, mais je ne peux pas te donner son identité parce que je ne la connais pas. Je sais seulement ce qu'elle faisait et où elle crêchait. « Ah bon ? En fait, tu la connais de vue, alors ?»« Non, je lui ai parlé. » Et je raconte à Serge comment et pourquoi j'avais fait la connaissance de cette femme que j'avais vue rôder autour de l'estafette du Tonton dans le camp de Carac. Je l'informe aussi de l'altercation que j'ai eue avec son maquereau au sujet de l'argent que j'avais donné à la fille. « Et ce mec-là aussi, je suppose que tu ne connais pas son nom ?»« Bingo, gagné. En revanche, je te garantis que je peux le reconnaître sans problème. » Serge se lève et sort sur le perron, son casque sous le bras. Bart, après s'être autorisé à passer par-dessus la clôture, vient vers nous avec un paquet sous le bras. « Ouah, elle est belle, votre bécane. Ça doit dépoter, ça, hein ? Tenez, j'ai quelque chose pour vous. » fait-il en tendant le paquet à Serge. Dans le papier, celui-ci découvre un casque intégral noir. « Et qu'est-ce que vous ? Je vous le donne, » fait Bart. « J'avais ça depuis des années. » C'est un client qui nous l'a confié un jour sur un marché. Il n'est jamais venu le rechercher. Tant il est mort, si ça se trouve. Prenez-le, il est pratiquement neuf. Oh là, Bart qui donne quelque chose. C'est un jour faste, mes enfants. Serge, soudain pris d'une inspiration, montre la photo de la morte à Bart. Vous connaissez ? Bart commence par secouer négativement la tête et me regarde droit dans les yeux. Je crois pas, non ? Bart qui ment pour chercher à me couvrir éventuellement. C'est un jour très faste. Je lui fais un signe d'assentiment de la tête. « Hein, finalement » fait-il. « Ce ne serait pas la fille qui est avec le mec à qui j'ai collé une beigne l'autre matin ?»« Donc, vous la reconnaissez ?»« Positif. »« Son nom ?» fait Serge. « Ah, j'en sais rien, moi. Son mec non plus, je sais pas comment il s'appelle. Je sais seulement que c'est une raclure. »« Bon, eh ben merci pour le casque, monsieur Bart. Je vais le laisser là pour l'instant. Allez, je file. » Serge vient juste de disparaître au tournant de la rue que la Peugeot de Chavannes s'arrête devant mon portail. « J'ai du nouveau, » me fait le capitaine tout fier. « Entre, » lui dis-je, « nous serons plus à l'aise pour parler. » Nous avons épluché les comptes de Maïté Nabart, mais cette fois dans le détail. Figure-toi que nous avons trouvé des virements en faveur d'un dénommé Lazare Lalescu. Le Roumain, celui qui a été assassiné ? « Eh oui, mon cher, j'ai donné l'info à SRPJ. » « Alors tu penses qu'on la faisait chanter ?» Elle n'a pas voulu payer, et pof. Eh non. Un maître chanteur se fait payer en liquide. Or, les virements sont on ne peut plus transparents. Le Roumain les a fait virer sur le compte de la société qu'il était en train de créer. Tu veux dire que Maïtena avait pris des parts dans cette affaire ? Exactement. Alors, ça pourrait signifier que ceux qui ont tué le Roumain ont décidé de dégrouper tous ceux qui, de près ou de loin, étaient mêlés à l'affaire. Non, Gino. Le meurtre de Maïtena est un drame familial et pas un règlement de compte mafieux. Le mystère reste entier. Elle faisait ses coups en douce, Maïtena, car je crois bien que Bart n'était pas au courant de ses placements.